Bonjour à tous. Je travaille chez Valorem, qui est un développeur de projets énergie renouvelable, principalement éolien, 95% de notre activité. Alors, pour ceux qui connaissent un peu la situation de l'éolien en Aquitaine, vous aurez compris que nous travaillons essentiellement en dehors de cette région, qui est la dernière région de France à n'avoir aucune éolienne. Mais nous ne désespérons pas, et peut-être que non loin d'ici, dans quelques années, il y aura un grand parc éolien que nous développons. Donc je vais vous parler un petit peu de ce que Valorem fait ou essaye de faire en matière d'investissement participatif, dédié à l'éolien principalement. Une des expériences qu'on a expérimentées à fin 2012, qui est actuellement en cours de déploiement. Je vais vous présenter également un modèle de co-investissement permettant l'entrée des collectivités territoriales rendues solvables par la fiscalité locale. Et enfin, un mot sur la promotion d'une synergie locale entre projets éoliens et rénovation énergétique des bâtiments, c'est-à-dire essayer de créer une boucle vertueuse où la production finance la diminution des consommations. Je crois qu'il y avait eu une question en ce sens tout à l'heure dans le public. Je précise qu'il y a quelques encarts contenant des notes contextuelles permettant la mise en perspective des actions proposées, hein, vous allez voir. C'est pas le sujet principal, mais c'est une sorte de métadonnées que je vous propose pour comprendre les contextes. Alors, comment sont financés, on l'a dit, je vais pas m'attarder là-dessus, généralement, donc, nos projets éoliens, en tout cas, c'est 80% d'emprunt et 20% des fonds propres. Toute la question, en ce qui nous concerne, nous qui sommes les développeurs de projets, c'est de savoir où on les trouve et comment. La participation des investisseurs locaux aux emprunts selon deux modèles opérationnels que nous avons mis au point, nous d'un côté, et un autre acteur qui est présent dans la salle et qui fait du crowdfunding, financement par la foule, qui s'appelle Lumo, et qui est le seul à ce jour à financer exclusivement les énergies renouvelables. Alors, toujours selon le même schéma, nous avons donc fonds propres de 20%, 80% d'emprunt par prêt bancaire, mais chacun de nous a essayé de trouver les solutions pour modifier ou répartir autrement un petit peu ces modèles. Alors, l'Union, de son côté, a imaginé un modèle très astucieux qui consiste à négocier avec la banque de pouvoir transformer en obligation la dernière tranche de la dette, et ce montant sera ensuite proposé aux investisseurs via Internet, et ils seront rémunérés selon un modèle identique à la maturité et à la rémunération du prêt bancaire. Alors que dans le modèle que nous avons proposé et expérimenté, vous voyez que à gauche de la grosse portion du camembert, on a le compte à terme Valorem Crédit Coopératif. Nous avons fait ça donc en partenariat avec le Crédit Coopératif. Lorsque un projet est déjà en fonctionnement et qui a fait ses preuves, disons 2 ans après sa mise en service, l'idée consiste à apporter la preuve à la banque que le fameux DSR, c'est-à-dire le ratio dette cash flow, flux de liquidités, est bien au-delà de ce minimum qu'avait exigé la banque. Par exemple, si pour accorder son prêt, la banque nous avait exigé un ratio dette de 125%, lorsque nous avons un projet qui fonctionne à 140 ou 150% des DSR, cela veut dire que ce projet est capable de supporter un endettement supplémentaire, et nous jouons justement sur cette possibilité d'endettement supplémentaire en ajoutant, comme vous le voyez dans le graphique, une portion supplémentaire à l'endettement, et cette portion supplémentaire est apportée par une collecte que la banque organise auprès d'une clientèle dédiée. En l'occurrence, c'était une clientèle riveraine du parc éolien, qui se situe dans le Tarn, c'est-à-dire que seuls pouvaient souscrire à ce compte à terme les habitants de la commune initialement ou prioritairement, les habitants du département par la suite. J'ai, en imaginant ce modèle, je me suis inspiré un peu de ce qui se fait au Danemark où ceci est une obligation légale, c'est-à-dire que tout développeur éolien qui arrive sur un territoire donné a l'obligation de proposer minimum 20% de son capital à la population locale. Et quand je dis population locale, c'est une population très précisément située dans un périmètre de 4,5 km autour du parc. C'est une obligation de l'assad. C'est pas une obligation de résultat, c'est une obligation de proposition. C'est un petit peu ce qui est en train d'être débattu en ce moment à l'Assemblée nationale dans le cadre du projet de loi sur la transition énergétique. Son article 27 reprend un petit peu ce modèle. Alors la première mouture avait parlé d'obligation. Après, bon, les promoteurs du projet ont mis un peu d'eau dans leur vin et c'est devenu une simple possibilité offerte. Mais c'est quand même une petite révolution dans le droit français puisque les collectivités territoriales, si cette loi est adoptée en l'état, vont pouvoir investir directement dans les sociétés des projets sans devoir créer une société d'économie mixte. Je reprends un petit peu le modèle, mais on va le voir dans le détail un peu plus loin. Donc c'est une solution que nous avons mis en place en novembre 2012, compte à terme dédié au parc éolien d'Arfon, la société s'appelle SOR, maturité 3 ans éventuellement renouvelable, rémunération 5,25% brut, à comparer au taux du livret A en ce moment, population cible les habitants de la commune, élargie aux deux départements limitrophes parce que la commune se trouve à la lisière de l'Aude, donc c'est l'Aude et le Tarn. Objectif de collecte modeste, parce que c'était une expérimentation, 250 000 euros. Placement plancher et plafond, 2500 et 25 000 euros. Durée de la collecte, 45 jours, assurée par le crédit coopératif, c'est-à-dire que concrètement, le candidat à ce placement ouvrait un compte à terme au crédit coopératif, mais ce n'était pas n'importe quel compte à terme, c'était un nouveau produit créé par la banque, dédié à ce parc éolien. Le montant collecté a dépassé les objectifs et cela a concerné 17 souscripteurs, dont 8 au plafond. Alors moi je m'étais battu initialement avec la banque pour faire abaisser le ticket d'entrée dans l'idée un peu romantique de dire plus le ticket est bas, plus ça va concerner du monde. Et en fait on s'est aperçu que la moitié des investisseurs sont allés au plafond. Quand vous proposez à 5,25%, effectivement, ça attire beaucoup de monde. Le coût pour Valorem, c'est-à-dire la rémunération de la banque, c'était un point supplémentaire. Alors, pour la banque aussi, c'était une expérimentation, c'est pour ça qu'elle ne s'est pas montrée très gourmande. La presse en a abondamment parlé, parce que c'était une première expérience en France, même si le Crédit Agricole nous a suivis deux, trois semaines plus tard dans la Sarthe, mais on revendique quand même la paternité. Voilà, donc ça c'est une expérience concrète. Aujourd'hui, en cours de. Les épargnants ont déjà reçu la première année de rémunération. Alors, un autre modèle que j'ai imaginé, que je vais vous le présenter, alors là je fais clairement de la prospective, hein, c'est pour aller plus loin dans ce type de financement par les habitants, c'est, imaginez qu'on a une collecte faite par des banques de détail auprès de leur clientèle ou des riverains des parcs, ou de non-riverains des parcs d'ailleurs, parce que quand on habite Bordeaux ou Paris, on ne sera jamais riverain d'un parc éolien, mais pour autant on peut avoir envie d'investir en éolien. J'ai imaginé que pour sécuriser tout ça, ces montants pouvaient remonter vers la Caisse des dépôts qui pourrait jouer un rôle de fonds de garantie. Alors je tiens à préciser tout de suite, avant de me faire descendre, que la Caisse des dépôts n'est absolument pas partie prenante de ces élucubrations que je vous présente. C'est simplement une idée. Je l'imaginais que la Caisse des dépôts pouvait jouer un petit peu le rôle de la KfW en Allemagne, qui est un projet très éprouvé. Donc je assume cet abus que je fais en utilisant le logo de la Caisse des dépôts. C'est une simple idée que je soumets à débat. La Caisse des dépôts pouvant centraliser, comme elle le fait déjà pour le financement du logement social, pourquoi ne pas imaginer qu'elle joue un rôle majeur également dans la centralisation de ses collectes pour financer le déploiement des énergies renouvelables. L'idée est en cours d'analyse à la Caisse des dépôts quand même. Je m'en réjouis. Et donc, j'espère, je me tiens à disposition de la Caisse des dépôts pour aller plus loin. Donc, qu'est-ce que ça donne en termes de remontée de liquidité, un tel projet, un tel modèle, si les rémunérations se font à 7%? Alors, je tiens à préciser que pour nous, développeurs éoliens, investisseurs dans les énergies renouvelables, pouvoir obtenir des financements à 7%, c'est très attractif. Non pas en dette, mais en fonds propres, j'entends. Si la Caisse des dépôts prélève son 1% pour pouvoir jouer son rôle de fonds de garantie, ce serait très bien. Les banques de détail, elles, donc, retrouveraient 6% et pourraient aisément distribuer un 3,5% net minimum aux investisseurs, aux épargnants, en prélevant la fiscalité attachée à ce type de rémunération et leur rémunération des gestionnaires de ces comptes, avec éventuellement une prime d'inauguration lorsque les financements se font avant la construction du projet. Et alors, je vais vous présenter également une variante, le plan d'épargne rénovation thermique des logements, dans le cadre d'un modèle similaire, dans une slide suivante. Alors, je me suis livré à une petite analyse de prospective, disons plutôt macroéconomique, pour essayer de déterminer quels sont les volumes d'investissement pour le financement de 1500 MW de puissance annuelle, qui est à peu près ce qu'il nous faudrait faire en éolien d'ici à 2020 si on veut tenir les objectifs de la directive européenne. Donc, sur la base d'un investissement de 2 à 2 milliards et demi d'euros, c'est ce que coûterait la construction de 1500 MW par an, et à cela représente un besoin en fonds propres correspondant à environ 450 millions d'euros par an, toujours selon le ratio 20-80%. L'hypothèse serait qu'un tiers des fonds propres serait apporté par ces livrets d'épargne ou ces comptes à terme, soit 150 millions d'euros. 150 millions d'euros, c'est 100 000 livrets ou comptes à terme répartis entre plusieurs réseaux. Alors, pour mémoire, la seule population riveraine du portefeuille des projets Valorem, et Valorem, c'est un acteur important de l'éolien en France, mais ce n'est pas le plus gros, et la seule population riveraine de notre portefeuille des projets est estimée à environ 400 000 foyers. Donc, pour mes hypothèses là, je pars du principe qu'il faudrait 5 000 livrets répartis entre tous les réseaux pour un encours moyen de 1 500 euros. Alors, pour mémoire d'eux, l'encours moyen du livret A est aujourd'hui de 3 700 euros pour plus de 60 millions de livrets, 92% de la population. Et l'encours livret A plus livret développement durable est aujourd'hui en France supérieur à 300 milliards d'euros. La rémunération à 4,5% brut pour les épargnants, c'est attractif ça, c'est-à-dire en 3,5% net, soit un revenu annuel de 52 euros, égal à 7 fois le montant de la CSPE éolienne payée par un foyer moyen. Alors un foyer moyen, c'est un foyer ne subissant pas le chauffage électrique, soit une consommation de 3500 kWh par an, c'est-à-dire qu'il paye une CSPE de 52 euros, mais la part dédiée à l'éolien, 57 euros, pardon, la part dédiée à l'éolien dans cette CSPE, car contrairement à ce qu'on entend souvent dire, la CSPE finance l'éolien, c'est un scandale, il n'y a que 13,8% de la CSPE qui finance l'éolien, le reste finance autre chose. Donc ça veut dire que la CSPE éolienne finance, un foyer moyen va financer 8 euros par an pour l'éolien. La rémunération des obligations du compte courant à 7% alimentant un fonds de garantie centralisé, c'est un dispositif qui pourrait se déployer très rapidement. En 3 ans, on pourrait atteindre le rythme de croisière. Alors, le flux annuel des revenus, si vous voulez, c'est, j'ai mis des chiffres derrière tous ces pourcentages, il y aurait 10 millions et demi qui remonteraient de la production de ces parcs construits chaque année. Le fonds de garantie prélèverait 2 millions 25 tous les ans, les banques 1 million et demi, le fisc 1 million et demi de la seule fiscalité de ces revenus éoliens, de ces revenus d'épargne, et les épargnants toucheraient 5 250 000 euros par an net. Sans compter, pour le fisc, les recettes de la TVA, 400 à 450 millions d'euros par an, et sans compter non plus la fiscalité locale. Alors, le projet Valorem pour proposer l'investissement participatif de Valorem, modèle de co-investissement éolien permettant l'entrée des collectivités rendue solvable par la fiscalité de compte, la fiscalité locale. Je vous laisse lire rapidement la note contextuelle que j'ai écrite en bas pour ceux qui sont intéressés par toutes ces dépenses faramineuses, mais on pourra en parler après. Alors, ça c'est quelque chose que nous proposons, rendre possible nos co-investissements publics et citoyens. Nous avons fait des propositions dans les Deux-Sèvres et dans le Lot, dans le cadre de nos projets. Bon, la frise que vous voyez au centre de la diapositive représente donc toute la période depuis les études jusqu'à la fin de l'exploitation d'un projet éolien, c'est-à-dire à peu près 25 à 30 ans. Valorem lance un projet dont il est actionnaire à 100%. Ouvre son capital à N plus 2 après la mise en service du parc éolien, mais préalablement nous proposons aux collectivités territoriales la signature d'une promesse unilatérale des cessions de titres pour que lève l'option si elle le souhaite 2 ans après la mise en service du parc. Alors pourquoi 2 ans après? Parce que nous tenons à assumer tous les risques, c'est-à-dire ne pas faire porter des risques par la collectivité territoriale, chose qu'on peut constater 2 ans après la mise en service, ni risque de développement, on peut ne pas obtenir le permis, ni risque de chantier, on tombe toujours sur des eaux quand on construit quoi que ce soit, ni risque industriel, les machines peuvent présenter des problèmes de démarrage et donc la production ne peut pas être au rendez-vous la première année. Donc on propose à partir de l'année N plus 2 l'entrée au capital des collectivités territoriales qui, entre-temps, ont été solvabilisées par le produit des différentes choses, des conventions de chemin, mais principalement la fiscalité attachée à cette installation, que ce soit la fiscalité foncière ou la fiscalité professionnelle. Et nous avons modélisé tout ça. On a fait une proposition à une communauté de communes à 20 km au nord de Niort. Et on a essayé de mettre des chiffres à tout ça, mais pour vous donner un petit peu le modèle sur le long terme, on cède 5 à 10% à une société d'économie mixte créée ad hoc pour pouvoir entrer au capital de la société de projet. Et l'idée, c'est de proposer parallèlement, avec un partenaire crowdfunding par exemple, 5 à 10% à la population locale également, de façon à en faire donc un projet qui concerne la population locale en plus de la collectivité territoriale. Et en phase d'exploitation, c'est-à-dire sur les minimum 18 ans qui restent, vous allez avoir une période pendant laquelle il va y avoir rémunération des comptes courants associés, c'est la forme sous laquelle on a invité la collectivité territoriale à entrer dans le projet, plus la fiscalité locale qui va continuer à courir, plus toutes les indemnisations attachées à l'exploitation du projet qui vont continuer à constituer les recettes de la collectivité territoriale, jusqu'au remboursement du prêt principal, et à cela viendront s'ajouter les dividendes qu'on pourra distribuer plus facilement une fois que la dette est remboursée jusqu'à la fin de l'exploitation. Alors, quel chiffre réellement derrière tout ça? Je me suis amusé à faire ces graphiques qui vous montrent donc sur la période d'exploitation, je me suis arrêté à 20 ans, mais un parc éolien peut durer facilement 25 ans. Vous avez amené la courbe bleue, le cumul de recettes générées par l'éolien s'il n'y avait pas le modèle que je viens de vous présenter. En rouge, le cumul de dividendes que va toucher la collectivité territoriale si elle lève l'option qu'on lui a proposée. Et en vert, le cumul des deux, c'est-à-dire que, certes, elle dédie une partie de ses recettes éoliennes à N plus 2 à l'achat d'un compte courant associé de la société de projet, donc ces recettes éoliennes vont être dédiées, vont être distraites de toute autre dépense municipale, mais à long terme, comme vous le voyez, la courbe verte permet à la collectivité territoriale d'être vraiment gagnante par rapport à pas d'option, donc on se contente de la fiscalité éolienne. L'investissement est de 415 000 euros pour la société d'économie mixte. Les loyers et indemnités d'usage des chemins représentent sur la durée d'exploitation 1 200 000 euros presque. La fiscalité liée aux éoliennes représente toujours sur 20 ans 370 000 euros et les dividendes pouvant être distribués à la SEM représentent un peu plus d'1 000 000 d'euros. C'est-à-dire que le total de recettes municipales ou de la collectivité territoriale concernée vont dépasser 2 millions et demi d'euros. Et pour aller un peu plus loin, la promotion de la synergie locale pour aider à la rénovation énergétique des bâtiments, nous pouvons très bien imaginer que ces chemins de collecte, de distribution des revenus que je vous ai présentés, plutôt que de se traduire par une rémunération des dépôts, se traduisent par l'octroi d'un droit à prêt à rénovation avec une bonification, pourquoi pas totale des taux, c'est-à-dire un prêt à taux zéro, qui serait donc dont l'argent serait rémunéré par ce circuit financier que je viens de vous présenter. Et là, on a bouclé une boucle vertueuse, plutôt que virtuelle, où le revenu généré par l'exploitation éolienne finance la rénovation énergétique des logements. Plan d'épargne rénovation, on peut l'appeler comme on veut. Enfin, voilà l'état des lieux des idées que nous brassons chez Valorem.